Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Guémozo 107 FM. Nous sommes le mardi 27 avril 2021, il est 14h01, c'est Chris et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui car je dois bien l'avouer, hier pendant mon absence vous m'avez beaucoup manqué, mais je suis de retour, nous sommes de retour pour encore tout plein d'émissions. Vous êtes dans Fréquence Libre et pour cette nouvelle édition, je reçois par téléphone Maud, une des chanteuses du groupe Barut qui est là pour nous parler de sa carrière de chanteuse, de l'histoire du groupe Barut ainsi que de leur premier album sorti il y a quelques jours, le vendredi 16 avril 2021, album intitulé La part de l'orage. Donc bonjour Maud. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Eh ben parfait. Donc nos auditeurs et nos auditrices sont habitués. Avant d'entrer dans le vif du sujet, pouvez-vous vous présenter vous en quelques mots? Alors du coup, je suis chanteuse dans le groupe Barut. Je viens de Montpellier, et c'est là qu'on a créé le groupe aussi. Et voilà, mon activité est assez restreinte en ce moment à cause des conditions sanitaires, mais d'habitude, je fais de la musique à temps plein. D'accord. Donc maintenant, pouvez-vous du coup présenter le groupe Barut? Alors Barut, c'est un groupe qui est formé de 4 chanteurs et 3 chanteuses. Où on est tous, on chante en même temps, ça s'appelle de la polyphonie. D'accord. Et on s'accompagne de percussions. D'accord. Et donc, si vous devriez décrire votre style musical, comment le décririez-vous? Alors, on appelle ça polyphonie percussive. C'est, ça rentre dans les catégories de musique actuelle, on va dire. Le style, c'est la polyphonie. Voilà. D'accord. Donc déjà, avant d'aller plus loin, je tenais à remercier et à saluer, comme la semaine dernière, Géraldine de Le Bureau de Lilith, la structure d'accompagnement et de promotion de projets émergents de musique actuelle, car c'est Géraldine qui nous a mis en contact, car sinon, sans elle, cette émission n'aurait pas pu avoir lieu. Donc merci Géraldine. Oui, merci à elle de nous accompagner aussi sur toute notre sortie d'album. Bien sûr. Donc avant de parler de Barut à proprement dit, quel a été votre parcours personnel? Avez-vous fait des études musicales ou ne vous êtes-vous dirigé vers la musique que plus tard? Alors moi j'ai commencé la musique quand j'étais petite, je faisais de la flûte traversière, j'en fais toujours d'ailleurs. Et en fait c'est à la faculté, on a commencé à chanter mais de manière informelle, entre amis. Et on s'est formé sur le tas quand on a commencé à faire des concerts, on s'est formé au chant et aux percussions. Voilà, moi j'ai été formée à la chanson à ce moment-là. D'accord. Donc, du coup, dans Barut, donc, comme vous l'avez dit, vous êtes 7 membres. Il y a donc vous, Maud, il y a également Erwan, Titouan, Delphine, Olivier, Samuel et Audrey, c'est bien ça? Mmh, tout à fait. Voilà, donc s'ils nous écoutent, on leur passe un petit bonjour. Oh, salut. Du coup, vous êtes, comme vous l'avez dit, toutes et tous chanteurs et chanteuses. Ou est-ce que justement certains membres jouent également d'un instrument? Ou est-ce que vous êtes toutes et tous jouez d'un instrument à côté, enfin sur scène? Alors du coup, dans Barut, il n'y a que les percussions et les voix. Il n'y a pas d'autres instruments. Et après, sinon dans le groupe, il y en a un qui est guitariste de métal. Un autre qui a beaucoup fait aussi de la chanson occitane traditionnelle, guitariste, accordéoniste, chanteur. Et on a des théâtreuses dans l'équipe aussi, qui ont fait leurs études là-dedans, qui ont été diplômées. Donc c'est assez varié au niveau artistique. Du coup, nos horizons artistiques sont divers. C'est agréable. D'accord. Donc, du coup, comme vous venez de le dire, vous n'êtes pas que dans Barut, je veux dire, vous faites de la musique à côté également? Voilà, certains d'entre nous ont d'autres groupes de musique. Moi, je joue dans Camille en balle, par exemple. Il y en a un autre qui joue dans un groupe qui s'appelle Sourne. Donc, c'est notre principale formation, Barut, quand même, parce que c'est ce qui nous fait le plus de dates. Mais on a aussi d'autres groupes à côté. D'accord. D'ailleurs, pourquoi avoir décidé d'appeler votre groupe Barut? Est-ce qu'il y a une raison particulière? Ah, une raison très simple, c'est qu'au début, on avait choisi un nom beaucoup plus compliqué et beaucoup plus long. On s'appelait Los Barulaires del Clapas, ça veut dire les vagabonds de Montpellier. D'accord. Mais c'était impossible à retenir et à dire pour beaucoup de gens. Donc, de fait, ils nous appelaient Barut, ils prenaient que le début du nom. Et en fait, on a trouvé que c'était plus simple, effectivement, et que c'était... en plus, c'était bien, c'est un mot qui n'existe pas... Dans la langue occitane ou dans la langue française, donc ça nous fait un mot à nous, on aime bien. D'accord, tout simplement. D'ailleurs, en préparant mes questions, en préparant cette émission, j'ai eu l'occasion d'écouter donc votre premier album, dont on parlera tout au long de cette émission. Et votre style de musique est, disons, original dans le bon sens du terme, hein, bien sûr, mais du coup, c'est de la musique occitane polyphonique, c'est ça que... C'est ça. Après, c'est un style qui est très récent, la polyphonie, par exemple, là, nous d'où on vient en Languedoc, il n'y avait pas de tradition polyphonique. D'accord. Donc c'est quand même très récent, c'est des groupes qui ont commencé à faire ça dans les années 60-70. Et du coup, on a un peu la liberté de composer ce qu'on veut. On n'est pas encadré par des formes traditionnelles qui existeraient. Donc du coup, ça fait un style qu'on peut enrichir de tout ce qu'on écoute, de tout ce qu'on rencontre. Donc c'est pour ça qu'on arrive à avoir une certaine originalité dans la musique. D'accord. Très bien. Donc, comme annoncé en introduction, vous êtes avec nous aujourd'hui pour nous parler de votre carrière ainsi que de l'histoire du groupe Baru et de votre premier album sorti le 16 avril 2021, album intitulé La part de l'orage. Mais avant d'approfondir le sujet, je vous propose justement de nous lancer dans une toute première fréquence, comme j'aime à l'appeler, dans un premier extrait de votre album La part de l'orage, et que nous découvrions un petit peu votre style en écoutant le morceau numéro 2 de votre album, morceau intitulé Nluok, je ne sais pas si je le prononce bien. C'est tout à fait comme ça qu'on prononce. Ben super. Alors, est-ce que ça vous va qu'on écoute Nluok? Super. Parfait. Alors, on s'écoute ça et on se retrouve juste après cette chanson, du coup. Donc, à tout de suite. À tout de suite. Des traplura nouvelles, un bengit suitaris, des traptura m'appelle. Esclava de montagne, po di cerca de lax, di montpitre che sari, saran de laghi e masca d'ozensagne, ausiti un murmul, in silenzi de bel, appen lu biel ben, buffant si mas aureia, besi basque lu bruch, lu grand brut lu bruchon, di nancio en baral, sus un monde en question, magra la viola morte, per sa tranquillitat, Persona gatta noble, c'est la mia vanità. Per coup de pin final, au club infamousel. Et ta star à nuit, comment ta star à la zuel. A cet âge, après, l'argou et nous en reste tomba. A cet âge, après, l'argou et nous en reste tomba. A cet âge, après, l'argou et nous en reste Caramor, un si tumbades, un si tumbade, l'enlio calenlio dal fio calamor, un si tumbades, un si tumbade, l'enlio calenlio dal fio calamor, un si tumbades, un si tumbade, l'enlio calenlio dal fio calamor, un si Tumbades, un si tumbades, l'enlio calenlio, dal fio calamor, un si tumbades, un si tumbades, un si tumbades, gasto noble sulla mia vanità. Per pure fin finalo clavare un po' musels e tastare la dweit cumon tasta la svel. Vous êtes de retour sur Radio Gemozo. Vous êtes toujours en direct dans Fréquence Libre. Il est 14h12. Vous nous écoutez sur le 107FM localement ou sur nos applications Radio Line ou Orange Radio partout en France. Vous venez d'écouter Baru avec leur morceau Enlioc, tiré de leur tout premier album La Part de l'Orage, sorti le 16 avril dernier. Vous nous écoutez peut-être chez vous, au travail ou encore sur la route. Si c'est le cas, évidemment, soyez prudents. Et nous sommes toujours en compagnie, au téléphone, de Maud du groupe Baru, justement, qui est là pour nous parler, entre autres, de ce premier album. Ça va toujours ? Oui, impeccable. Parfait. Donc, avant de poursuivre, vu pour ceux qui ne parleraient pas la langue d'oc, car c'est en langue d'oc que vos chansons sont faites, sont écrites. Tout à fait. Donc, qu'est-ce qui est raconté dans votre titre, Enlioc, et voilà. Alors, Enlioc, c'est un titre un peu philosophique, on va dire, parce que c'est une introspection. C'est un personnage qui revient un peu sur sa vie, qui a lutté pour ses idées, qui commence à fatiguer, qui voit un peu... la société en noir, voilà, qui commence à fatiguer de devoir se battre pour plus de justice et d'équité. Donc voilà, c'est un peu une introspection, on va dire. D'accord. Donc justement, vu que la langue d'oc, est-ce que donc c'est votre langue de votre région ? Alors oui, pour certains, il y en a qui ne sont pas natifs de la région. Et on l'a tous appris un peu d'une manière différente. Il y en a qui l'ont appris à l'école. Moi, j'ai appris dans mon village où les gens le parlaient encore. Il y en a qui l'ont appris grâce à la musique. Voilà, donc on a tous eu un parcours différent avec la langue. Mais par contre, on a tous le point commun de beaucoup aimer cette langue-là. Donc, on se régale de chanter en occitan. Oui, et puis ça s'entend pas souvent, les chansons en occitan. Et du coup, après, nous, on rencontre pas mal d'autres artistes occitans. Puis on a été inspirés par beaucoup d'artistes occitans. On n'est pas les premiers à chanter en occitan. Donc c'est chouette parce que c'est une langue où il y a plein de dialectes. En fait, le provençal, il va être un peu différent du languedocien, qui va être un peu différent du gascon. Donc c'est assez riche comme langue. D'accord. Et donc le titre que nous venons d'écouter, c'est Enlioc. Qu'est-ce que signifie Enlioc ? C'est nulle part. D'accord, très bien. Voilà, le néant. D'accord, ah oui, d'accord. Donc dans votre album La Part de l'Orage, il y a 10 titres, c'est ça ? Oui. On peut peut-être les citer. Donc, on a Indigenous, oui. Enlioc qu'on a écouté, mm-hmm. Demurge, Tio, Exil, Embrun, Yenos, Le Presse de la Nuit, Mascarade et Saint-Tourisus. D'accord. Et donc, ce sont des titres, du coup, tous écrits en occitan. Oui, tous les textes sont en occitan. Oui. Et c'est que les textes qu'on a écrits sur cet album. D'accord. Et justement, est-ce que, par exemple, vous avez déjà eu envie de, avec votre groupe Baru, de chanter en français, on va dire français commun. Après, moi, je sais pas trop comment l'appeler parce que moi, je suis plutôt du nord-est de la France. Mais en français commun, est-ce que ça vous est déjà venu de l'idée, vous est venue de parler, de chanter comme ça ou pas du tout ? Alors, pour en concert, on a toujours chanté que des titres en occitan. Et après, quand on est un peu plus en mode off, on chante dans plusieurs langues, c'est les langues qu'on rencontre en fait, ou les langues des amis qu'on connaît. Donc on peut chanter en français, on peut chanter en corse, en italien. Voilà, on est assez ouvert linguistiquement parlant. D'accord, très bien. Donc en faisant mes recherches, en préparant cette émission, j'ai vu que votre musique, je cite, tourne pour nous les pages d'une histoire ancestrale et pourtant aux échos si contemporains où se mêlent combat et conte, mythe et réalité, tristesse et fol espoir. Donc fin de citation, comment expliquez-vous tout cela, car ce sont des antonymes, la tristesse, le fol espoir, limite, la réalité. Comment expliquez-vous le fait que votre musique tourne les pages de cette histoire ancestrale et pourtant aux échos si contemporains ? Bah, du coup, nous, on a commencé à chanter en prenant des textes d'auteurs du 20e siècle qui nous parlaient, en fait, parce que c'était des textes qui à la fois, ils pouvaient avoir 50 ans, mais ils étaient très actuels. Donc, on se sent quand même lié à ce qui s'est passé là où on vit actuellement. Ça nous inspire beaucoup. Et à la fois, on essaie de se projeter, mais on fait le constat des échecs de notre société actuelle. Donc, c'est un peu le côté noir de l'album, le côté sombre aussi, de dire, bon, ben, aujourd'hui, on vit à cet endroit, il se passe ça, il y a des choses qui ne vont pas, il y a une société qui ne fonctionne pas comme on aimerait qu'elle soit, qui n'est pas assez solidaire, pas assez équitable. Et du coup, donc à la fois, il y a ce constat sombre, mais on se projette à se dire, en fait, en faisant ensemble, on arrive quand même à avoir des bonnes choses, à pouvoir construire des choses plus joyeuses et plus heureuses pour tous. Donc voilà, il y a quand même une pointe d'espoir de se dire, en fait, de lutter ensemble et de créer autre chose ensemble. Et c'est possible. D'accord. Donc, comme nous le disons depuis tout à l'heure, vous chantez en occitan, et à travers vos paroles en occitan, vous nous entraînez dans vos luttes intimes, politiques et universelles. Ça, c'est également ce que j'ai eu l'occasion de lire en préparant cette émission. Donc, pouvons-nous dire qu'à travers vos chansons, vous dénoncez certaines choses, ou est-ce que le verbe dénoncer est peut-être un peu trop fort? On dénonce, mais c'est beaucoup de constats aussi. Par le constat, on dénonce forcément, puisque nous, ça ne nous paraît pas des choses justes. Par exemple, Exil, c'est le parcours de quelqu'un qui est forcé de quitter son pays et qui va arriver en France, comme ça arrive quand même tous les jours. C'est ces gens qu'on accueille mal, alors qu'ils ont des parcours terribles, qui quittent des pays en guerre. Et nous, au lieu de bien accueillir de manière générale, ils arrivent en France et ils sont mal accueillis, et nous, on le dénonce forcément, on trouve pas ça normal. On trouve que c'est pas très humain et qu'il faudrait fonctionner autrement, par exemple. D'accord, oui, donc vous avez vraiment cette volonté de parler, de dénoncer ce que vous ne trouvez pas normal, ce qui, d'après vous, enfin, ce qui, selon vous, devrait changer. Oui, tout à fait, voilà. Après, là, l'album, c'est beaucoup le constat de ça. Il n'y a pas encore beaucoup de propositions face à ça, parce que c'est plutôt un univers assez triste de constater tout ce qui ne va pas. Mmh. Mais on essaye quand même d'y mettre une pointe de bonne volonté à dire... Il y a quand même des choses qui se font, on peut quand même lutter ensemble, on peut quand même créer ensemble. Les êtres humains ont la capacité d'inventer des choses, de s'aider, de s'entraider. Donc c'est pas tout noir non plus. D'accord. Tout à l'heure, vous parliez de vos inspirations, que vous vous inspiriez d'autres artistes occitans. Mais du coup, quels sont ces artistes, quelles sont vos inspirations pour vos chansons et à travers votre musique? Alors du coup, il y a eu toute une vague de chanteurs, par exemple, dans les années 70. Je peux citer Marty, Mans de Breij, qui étaient eux, par exemple, sur de la chanson carrément engagée. Eux, c'était le but de leur musique, c'était que ça. Et ensuite, après, il y a plus récemment, dans les années 80-90, des groupes polyphoniques comme Gatch & Peg, Mal Coiffé, Le Corps de la Plane, qui, eux, ont fait de la recherche musicale autour de ce style qui était la polyphonie, avec la musicalité de la langue occitane pour accompagner ça. D'accord. Donc, toujours en faisant mes recherches, et comme je l'ai ressenti également en écoutant votre album, vos voix sont tour à tour, pareil, là on va reparler d'antonymes, sont tour à tour bouillonnantes ou émouvantes, furieuses ou suspendues aux bribes de chants buissonniers, ne connaissant aucune frontière. Donc en créant le groupe Baru, est-ce que c'était vraiment ça votre but, cette volonté d'opposer certains thèmes dans vos voix? Alors au départ, pas du tout. Quand on s'est monté, nous, on faisait de l'arrangement musical sur des chansons traditionnelles. D'accord. Donc on avait tendance à chanter toujours très fort, à très nombreux. D'accord. Et on a un peu affiné le style au fur et à mesure pour arriver effectivement à des contrastes. En fait, c'est parce que c'est pas linéaire comme une musique. On va vraiment avoir des styles différents selon les morceaux. Les voix qui vont ressortir ne sont pas toujours les mêmes. On essaie de mettre un peu des nuances aussi. Donc c'est pour ça qu'on a une diversité dans la musique, en fait. Et effectivement, des choses qui parfois sont contradictoires, mais qui marchent quand même. D'accord. Nous le disons depuis le début de cette émission, vous avez sorti votre tout premier album, La Part de l'Orage, tout récemment, il y a 11 jours précisément, donc le 16 avril dernier. Mais je crois savoir que cet album, La Part de l'Orage, n'est pas le premier projet musical du groupe Baru. Et non, nous avions déjà sorti 2 EP en fait avant celui-là. Donc à chaque fois, c'était 5 titres, c'était du coup un peu plus court comme format. Et là, on avait envie d'y mettre beaucoup plus de choses. On avait vraiment envie d'un album plus complet et avec que des compositions musicales et textuelles. D'accord. Et donc, j'ai vu également, là, malheureusement, j'ai perdu mes renseignements. Enfin, j'ai toujours ma trame, mais j'ai perdu le document sur lequel je m'appuyais. Il y a également, vous avez également fait autre chose, il me semble, avec Baru, il me semble. Avec les Barus ? Oui. Ou alors Après, du coup, nous, on aime bien aussi faire des projets avec d'autres groupes de manière plus ponctuelle. Donc, on a pu travailler avec un groupe de Corse qui s'appelait Ufiato Montese et faire un spectacle commun. On a aussi participé à un album de Pierre Perret en hommage à ses 60 ans de carrière avec les Ogres de Barbac, Moussé Hakim et Olivia Ruiz. Mm-hmm. Donc, on aime bien aussi, effectivement, aller voir d'autres horizons sur des projets ponctuels. Ça nous régale bien, ça. D'accord. Et donc justement là, j'ai adoré trouver mon document qui s'était fermé tout seul. Ça arrive. Vous avez également fait avec Baru 3 créations scéniques. Oui. Alors à l'heure actuelle, on en a 2 surtout principales. On a une création qui est un peu plus rock'n'roll pour les scènes. Comme ça, on est sonorisé, on peut sonoriser les percussions, les voix et on peut taper un peu fort sur nos percussions parce qu'on aime bien. Et après, on a une formule beaucoup plus intime. Et qui est beaucoup plus tourné que sur la voix, qui est pour les lieux comme les églises ou les cathédrales où ça va être flatteur pour les graines de voix. Et là, c'est un spectacle plus doux, plus intimiste. D'accord. Donc chacune et chacun des membres de Baru vient d'horizons différents, que ce soit la chanson française, le rock, le hip-hop, l'afrobeat et j'en passe. Donc est-ce que le fait que chacune et chacun vienne d'horizons différents était une des volontés pour lesquelles vous, cet ensemble, avez décidé de créer Baru ? C'était le hasard qu'on travaille les arrangements tous ensemble. En fait, il y a quelques compositeurs. Et ensuite, les morceaux, quand on les travaille en groupe, on le fait tous ensemble. On va créer des voix, on va choisir des rythmes, etc. Et donc, en fait, de fait, on est inspiré par ce qu'on écoute personnellement. Et vu qu'on écoute des choses différentes, ça a enrichi nos créations musicales derrière. Mmh, oui, donc c'est bénéfique, en fait. Mmh, c'est ça. D'accord, donc avant de poursuivre à nouveau, je vous propose de nous lancer dans une deuxième fréquence, dans un deuxième extrait de votre album La Part de l'Orage, et que nous écoutions le morceau justement dont vous parlez un petit peu plus tôt, le morceau numéro 5 de cet album, morceau intitulé Exil. Donc on écoute ce morceau et on se retrouve juste après cette chanson. Donc à tout de suite. Ματέρω αρώ σου τρίστε κομμούν μέντρε μπέντς δε φένω αι ταν μαρτσάτ και μου σπέσουν δε πέιρω αι ταν πλουρά Vel sun ribeiro Que ta maeres hablo Sento del primielach Que ta munaire munaigo Serio imperi mai fa This is Vous êtes de retour sur Radio Gemozo. Vous êtes toujours en direct. Vous nous écoutez sur le 107 FM localement ou sur nos applications Radio Line ou Orange Radio partout en France. Il est 14h30. Vous venez d'écouter Baru avec leur morceau Exil. Nous sommes toujours en compagnie au téléphone de Maud du groupe Baru, justement, qui est là pour nous parler, entre autres, du premier album du groupe. Est-ce que vous passez un bon moment en notre compagnie, Maud ? C'est super. Parfait. Donc, même question que pour la première fréquence, vous en avez déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Qu'est-ce qui est raconté dans ce titre ? Alors du coup, Exil, c'est l'histoire d'une personne qui est obligée de quitter son pays, donc avec pas de moyens forcément, et qui part en exil vers, on peut imaginer du coup par exemple vers chez nous, vers la France. Et donc c'est la tristesse en fait de devoir tout quitter, de perdre aussi beaucoup, d'aller vers l'inconnu. C'est vraiment les craintes que peuvent avoir nous les personnes qu'on a rencontrées en fait qui sont migrants et que l'on connaît et qui ont vraiment beaucoup souffert de leur exil. D'accord, très bien. Oui, donc dans vos titres, vous parlez de votre vécu quelque part, même si c'est pas vous directement qui avez dû être malheureusement exilé, mais vous parlez de ce que vous avez connu. Oui, voilà, on transpose les paroles du mieux qu'on peut. Hein. On n'est pas les mieux placés pour parler de ça, mais c'est vraiment ce qu'on nous raconte et c'est les gens qu'on a rencontrés qui sont marqués par ça en fait. D'accord. Et qui en plus nous racontent à demi-mot, mais qui peuvent certainement pas tout nous raconter, parce que c'est des histoires assez terribles. Oui, j'imagine, oui. Donc maintenant, je vous propose de revenir un petit peu aux origines de Baru. Depuis quand ce groupe existe-t-il ? Alors Baru, ça fait 6 ans que ça existe. D'accord. On s'est rencontrés en fait à la faculté Paul Valéry à Montpellier, mmh. qui est la faculté de lettres, où certains étaient étudiants, d'autres étaient enseignants. D'accord. Et c'est là qu'on a commencé à chanter ensemble autour d'apéritifs, de repas, de petits événements culturels sur la faculté et de petits événements sauvages aussi qu'on faisait en ville. D'accord. Oui, donc juste après, je vais vous demander comment ce groupe s'est formé, mais vous venez d'y répondre. C'est enseignants et étudiants qui, en fait, vous vous êtes réunis pour faire Baru, du coup. Au début, c'était vraiment juste pour chanter. On pensait pas que ça allait devenir un groupe de musique du tout. C'était le plaisir de chanter ensemble, en fait, qui nous réunissait. Et c'était vraiment dans des moments très informels. Donc, on était un peu plus nombreux que ce qu'on est maintenant. D'accord. Et on a commencé à jouer en public et ça a marché. Et du coup, là, on a monté le groupe et on s'est professionnalisé après petit à petit. Donc, il y a 2-3 personnes qui ont quitté le groupe parce qu'elles ne souhaitaient pas que ce soit leur métier. Mmh. Et du coup, les 7, là, nous, on est restés. On a lâché nos boulots qu'on avait et on a fait la musique. D'accord. Donc, aujourd'hui, vous avez la chance d'en vivre. Voilà, aujourd'hui on est tous intermittents du spectacle et du coup on peut faire du temps plein sur la musique. D'accord. Donc justement je vais vous demander qui a eu l'idée de créer ce groupe, mais c'est un petit peu vous tous ensemble. Voilà, et puis on a eu l'idée, c'est qu'en fait on nous a demandé de chanter, on nous a appelé pour des concerts. Donc c'est beaucoup aussi le public qui nous a créé en fait. Nous on pensait pas faire un groupe et en fait d'avoir des propositions et d'avoir des concerts, on s'est dit bon mais pourquoi pas. Et on y est allé tous ensemble, effectivement c'est un choix qu'on a fait à 7 D'accord. pour le faire collectivement. D'accord. Donc ma question d'après c'était, je vais la lire, hein, parce que j'ai sous les yeux. J'aime aussi beaucoup m'intéresser de plus près aux membres des groupes avec lesquels j'ai la chance de faire une émission, en essayant toujours de ne pas être trop indiscret. Mais je vais vous demander quel est le lien qui vous initiait, si vous étiez frère, sœur ou ami d'enfance ou autre. Mais finalement, c'est un lien comme donc ancien enseignant, ancien étudiant. Alors il y a le lien de la faculté, mais il y en a aussi 2 fratries. Tous les garçons, enfin, il y a 2 fratries du coup chez les garçons. D'accord. D'accord. Et après, on s'est rencontrés à la faculté, les autres, on est amis des années étudiantes. D'accord. D'accord. Ouais, je trouve c'est une bonne chose de réunir tout le monde, donc des frères, des amis, des enseignants, même des étudiants pour faire quelque chose, même si à la base, comme vous le dites, c'était pas vraiment votre objectif. Mais je trouve que c'est une bonne chose de faire ce genre de choses, justement. Et ça a un côté agréable, en fait, de pouvoir travailler avec des gens qu'on connaît et de partir sur des bases communes qui étaient l'envie de chanter. En fait, il n'y avait pas la pression de travail ou quoi que ce soit. Au départ, on s'est dit, on aime chanter ensemble, faisons-le et avançons comme ça. Donc ça fait des bases quand même solides pour pouvoir tenir sur la durée. Bien sûr. Et donc, outre le fait que, du coup, comme vous le dites, la musique, vous liait, il y avait également du coup cette passion de la musique. Oui, puis on a la passion du chant, on l'a découverte et on l'a apprise aussi, vu qu'on ne chantait pas forcément avant. Et aussi, c'est la passion de d'avoir besoin de rien et de pouvoir faire de la musique rien qu'avec son corps, c'est chouette. C'est une sensation qu'on adore. Bien sûr. Donc justement, comme vous parlez de jouer avec son corps, vous parliez également tout à l'heure de les seuls instruments, c'est les percussions que vous avez dans Baru. Donc, tout à fait. Quel type de percussion ? Est-ce que c'est des tambours, des autre chose ? On a différents styles. On a des tomes de batterie, une grosse caisse aussi qui est plutôt du coup sur de l'instrument moderne. Mm-hmm. Et après, on a des tambours sur cadre qui sont un peu plus traditionnels. D'accord. On a des pandeiros brésiliens. On a des tambourelles italiens aussi. Donc c'est un mélange de percussions. D'accord, qui donne du coup cette sonorité, si particulière qu'on entend dans vos chansons. Et petite exclusivité, on va peut-être aussi rentrer dans une ère un peu plus électronique et en rajoutant pour le prochain spectacle des pads électroniques, des bourdons électroniques. Voilà. Ah bah voilà, exclusivité sur Radio Guémozo. Donc, toujours en préparant cette émission, j'ai eu l'occasion de lire que vos voix, vos chansons troublent nos consciences tout en emplissant nos cœurs de jolies émotions. Était cela aussi un de vos objectifs? Alors, c'est l'objectif. C'est pareil, c'est quelque chose qu'on a constaté aussi en chantant, c'est que le partage, il n'est pas juste une oreille qui écoute. C'est qu'effectivement, nous, on est traversé par des émotions et en fait, on les transmet au public qui, lui, a aussi des émotions qui peuvent être différentes et qui nous les retransmet. Donc, il y a un échange, effectivement, d'émotions qui se fait entre le public et nous à quasiment tous les concerts. Personne reste indifférent, en fait, quand on chante. Bien sûr, et comme j'aime dire, quand je reçois des artistes, donc des musiciens ou des chanteurs dans mon émission Fréquence Libre, quand on est musicien ou chanteur, le public, c'est un peu un nouveau membre du groupe. C'est ça. Ben, c'est le membre surtout qui va faire que chaque concert va être différent. Donc c'est un membre très très important de nos concerts. Bien sûr. Parce que sans public, les artistes, il n'y en a peut-être pas forcément. Et sans artistes, il n'y a pas non plus de public. Donc ça se complète. On le constate d'autant plus dans cette période où on est quand même empêché de faire des concerts depuis un bon bout de temps. C'est vrai. Et on voit le manque qu'il y a pour nous et pour le public. C'est... Là, en ce moment, on peut le constater dramatiquement. Et heureusement qu'il y a toujours Internet et les réseaux sociaux, également les sites de vidéos en ligne pour pouvoir vous écouter, parce que sinon, c'est vrai que le vide, il se sentirait encore plus. Donc, pour nous, ça nous manque beaucoup. Là. On commence vraiment à être impatients de pouvoir revoir le public. J'imagine bien, oui. Donc, combien de temps cela vous a-t-il pris pour créer votre album La Part de l'Orage, on va dire, de A à Z? On a travaillé environ pendant un an sur la création des morceaux. Et après, on avait une petite phase aussi où on a travaillé pour l'album exprès les arrangements. On a fait des maquettes pour voir ce que ça donnait. Et on a fait après 3 semaines d'enregistrement en studio. D'accord. Et donc, ça fait un peu plus d'un an, un an et demi, voire même presque 2 ans pour créer votre album. On a mis un peu plus d'un an pour la création. Et après, derrière, il y a le travail aussi de une fois qu'on a les pistes, créer le visuel de l'album, créer la communication qu'on va faire autour de l'album. Bien sûr. Et on aurait aimé une tournée derrière. Eh oui, mais bon, la tournée, elle se fera quand tout ira mieux. Voilà, ça se fera quand ça reprendra. Voilà. Donc, en faisant... Et comme on en parle depuis quelques minutes, en faisant mes émissions avec des artistes, quel que soit l'art pratiqué, nous pouvons difficilement passer à côté de cette question. Avec la crise sanitaire que nous connaissons toutes et tous depuis un bon moment maintenant, n'est-ce pas trop compliqué pour vous et pour Baru de vous faire une visibilité, pardon. Je suppose que si, comme vous venez de le dire, c'est compliqué. La visibilité, oui, c'est plus compliqué parce que en plus nous on se régale en concert de rester après les concerts pour discuter avec les gens, pour échanger. Donc c'est vrai que nous le réel physique c'est super important. Mais heureusement qu'on est à une ère où le numérique marche bien, donc c'est vrai. On a quand même du lien grâce aux réseaux sociaux, grâce aux mails, à notre site internet, on arrive à garder un petit lien. Mais ça facilite pas la visibilité, effectivement. Mais ça a aussi permis de développer des outils qu'on utilisait peut-être un peu moins. On a pu travailler aussi le côté numérique cette année. Mmh. Après, le contact numérique, comme je suppose que vous êtes d'accord avec moi, le côté numérique, ça ne remplacera jamais le côté humain. Ça n'a rien à voir, c'est sûr. C'est un outil qui est à côté, dont il faut se servir et c'est pas fait pour remplacer, c'est vraiment un outil qu'on utilise pour garder le contact. Mais nous, on fait ce métier-là pour rencontrer les gens en direct. Bien sûr. Et pour partager votre musique, tout simplement. Forcément. Donc, comme annoncé en introduction, dans Baru, vous êtes 7 membres, donc 3 femmes et 4 hommes. Mais êtes-vous également accompagné parfois d'autres personnes, que ce soit pour avoir une voix en plus ou un instrument en plus? Ou alors, est-ce que c'est vous qui faites tout, que ce soit musique, chant, sonorité, etc. Actuellement, c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais quand vous faisiez des concerts, est-ce que vous étiez toujours tous les 7 ou est-ce que parfois ils vous invitaient un autre artiste pour être avec vous sur scène? Alors, généralement, on est 7 artistes et on est accompagné d'un technicien. On a Johan Junou qui nous accompagne à la technique sur nos concerts. D'accord. Et après, dès qu'on croise en fait des copains musiciens, on aime bien faire des petits featuring sur scène. Et il y a 2 ans, on avait recroisé les Ogres de Barbac à Metz, à côté de chez nous. Mm-hmm. Du coup, on avait fait scène commune. Voilà, en fait, dès qu'on croise des copains, on s'invite sur scène avec plaisir. Bien sûr, parce que la musique, non seulement c'est le partage avec le public, mais c'est également le partage avec d'autres artistes. Tout à fait. Mais c'est ce qui nous enrichit aussi, hein, d'aller voir. En fait, je pense qu'on peut pas être musicien si on va pas nous-mêmes voir des concerts, écouter de la musique. C'est ce qui fait avancer quand même. Bien sûr. Donc, avant d'aller plus loin à nouveau, donc il est 14h42, je vous propose une nouvelle fois de nous lancer dans un nouvel extrait de votre album La Part de l'Orage, histoire de reprendre notre souffle et de nous hydrater, et que nous écoutions cette fois le morceau numéro 9 de cet album, morceau intitulé Mascarada. Donc, est-ce que ça vous va qu'on écoute ça? Allez, parfait. Mascarada. Donc, on écoute ce titre et on se retrouve juste après pour la suite de l'émission. Donc, à tout de suite. À tout de suite. Yeah. Baru avec leur morceau Mascarade sur Radio Guémozo. Donc je tenais d'ailleurs à m'excuser pour la petite, le petit problème technique qu'on a eu juste avant. J'avais relancé la chanson Exil, je m'étais trompé, donc avant de lancer Mascarade. Donc voilà, excusez-moi pour ce petit problème. Donc vous êtes de retour et vous nous écoutez toujours sur le 107FM localement ou sur nos applications Radio Line et Orange Radio partout en France. Nous sommes toujours en compagnie au téléphone de Maud du groupe Baru, qui est là pour nous parler justement de Baru, mais aussi du premier album du groupe sorti le 16 avril dernier, album intitulé La part de l'orage. Tout est toujours bon pour vous ? Oui, super. Parfait. Donc même question que pour les deux précédents extraits, quelle histoire est racontée dans votre titre Mascarade ? Alors Mascarade, c'est un banquet qui est organisé par les gens en fait, qui regardent un peu les autres d'au-dessus, qui possèdent les moyens de vivre dans l'opulence et qui méprisent un peu les gens en se moquant d'eux et qui les invitent à leur table pour se moquer d'eux. Voilà. D'accord. Donc justement, le titre Mascarade, est-ce que c'est en français, le mot a la même signification en français pour, est-ce que c'est justement en français on, c'est également mascarade ou est-ce que c'est une toute autre signification ? Non, non, c'est un mot transparent. D'accord. Alors, en occitan, il y a quand même beaucoup de mots qui vont ressembler. On a un titre qui s'appelle Hyenos, c'est les hyènes, enfin voilà. Exil, c'est exil. D'accord, très bien. Donc il est 4, il va bientôt être 14h50, là il est 14h48 et 30 secondes. Nous arrivons bientôt à la fin de cette émission. Si certaines de nos auditrices ou certains de nos auditeurs veulent se lancer dans la musique et ou créer un groupe comme le vôtre, par exemple, quels seraient les conseils que vous leur donneriez ? Nous, on a choisi de créer ça par... on a commencé par l'amusement, en fait. C'est une bonne base de départ de se faire plaisir quand on fait la musique ensemble. C'est-à-dire vraiment se rassembler sur ce qu'on aime, ce qui nous plaît, de pas commencer avec des contraintes. Et petit à petit, voilà, d'essayer de se mettre des cadres pour avancer un peu plus loin. Et de vraiment commencer au tout départ par vraiment que du plaisir. D'accord, oui, le plaisir c'est le plus important dans ce qu'on fait. Ça devrait être même la première motivation. Oui. Et c'est celle qu'il faut réussir à garder surtout après. Bien sûr. Donc qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Ah ben nous on espère que les concerts vont reprendre et nous on aimerait beaucoup jouer encore plus loin que là où on est déjà allé, donc faire des tournées internationales, on se régalerait. Ah donc justement, vous me tendez une perche, où avez-vous déjà eu l'occasion de jouer ? Du coup nous on joue beaucoup dans le sud de la France, on va pas mal aussi en Bretagne et en Corse, on a des amis, puis on a beaucoup de proximité avec les musiques traditionnelles là-bas aussi et les formes... De concerts, balles, géants, voilà. On a déjà joué en Allemagne, en Suisse aussi. Et on aimerait vraiment ne plus avoir de frontières de là où on va jouer, quoi. Bien sûr. Vous n'avez jamais eu l'occasion de jouer, de passer par le nord de la France pour jouer ? Alors, on est passé en Bretagne, pour nous, c'est le plus au nord où on est allé. D'accord. On n'a pas eu l'occasion, non. On n'a pas pu voir nord, centre et l'est. D'accord. Ah, peut-être à l'avenir, on ne sait pas. Ah ben avec grand plaisir. Donc est-ce que vous avez un dernier mot avant de nous quitter ? Eh bien, merci beaucoup à toute l'équipe de l'émission et merci de partager toutes les musiques que vous aimez. En fait, c'est chouette de faire ce type d'émission. Bravo. Ben merci et puis bravo à vous pour ce bel album. Et merci beaucoup. Donc c'est ainsi que se termine cette édition de Fréquence Libre. Cette émission est passée à toute vitesse, je ne l'ai pas vu passer. Donc je vous remercie une nouvelle fois, Maud, d'avoir accepté mon invitation. Et merci à vous. D'ailleurs, ne quittez pas, je vous récupère au téléphone juste après hors antenne. Ça marche. Cette émission sera rediffusée demain, mercredi à 18h, avec le podcast de cette émission posté demain sur notre page Facebook dans la journée. Et si vous voulez, je pourrais même vous envoyer l'émission par mail. Ah ben oui, très bonne idée. Parfait. Donc bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez réagir à cette émission sur notre page Facebook Radio Guémozo ou en nous appelant au 03 29 62 40 40. En attendant, je vous laisse en musique avec Matt Martian et son titre Diamond in the Rough. Quant à nous, nous nous retrouvons demain, mercredi à 14h, toujours en direct pour une nouvelle édition de Fréquence Libre dans laquelle je recevrai dans nos locaux à Saint-Étienne-lès-Remiremont Loïc Létang qui sera là pour nous parler de son agence web appelée LTG Service. Donc merci de votre fidélité à Radio Guémozo et je vous dis à demain. Donc salut et à demain. Au revoir.